Le dernier coup d'archet par Jules Le Sire. Le mois de septembre 1840 commençait à peine que déjà la jolie et élégante ville de Nice voyait arriver dans ses murs ceux des touristes qui, plus frileux ou plus phtisiques, se hâtent de venir respirer un air pur sous ce ciel d'Italie que n'abandonnent jamais les chaudes caresses du soleil. La société était déjà très nombreuse. Les uns avaient traversé les flots bleus de la Méditerranée sur ces petits et peu confortables bateaux qui partent de Marseille et se rendent en Sardaigne. Les autres, dans de lourdes et informes diligences, avaient parcouru les routes poudreuses du département du Var, tracées au milieu des orangers et des oliviers, dont la mer vient en murmurant baigner le pied. Ils avaient gravi la côte droite de l'Estérel au bas de 10 chevaux fourbus, s'étaient arrêtés un instant à l'auberge des Adrets, avaient donné un souvenir à Robert Macaire, en songeant à Frédéric Lemaître, puis avaient descendu dans leur boîte roulante le revers de la montagne, dont le chemin tournoie pendant 2 heures entre un mur de roches vives et des précipices sans fond. J'étais du nombre de ceux qui avaient préféré la terre ferme, et je me trouvais dans l'incommode véhicule en compagnie d'un Anglais, le docteur Wilson, et de sa femme. Le docteur était un homme grave, sans avoir pourtant la roideur britannique. Sa femme, véritable écossaise, était une blonde et gracieuse personne pleine de poésie et de rêverie, connaissant si bien que nous les belles pages de Victor Hugo, de Lamartine et d'Alfred de Musset. Ces trois grands génies, au sourd desquels elle avait puisé toute l'ardeur de sa fièvre poétique. Les liaisons s'établissent rapidement en voyage. Aussi, en arrivant aux portes du Piémont, Lord, Lady Wilson et moi étions-nous déjà amis. Quelques mots avaient suffi pour établir une assez grande intimité entre nous. Lord Wilson connaissait un de mes amis, célèbre médecin de Paris, et Milady aimait Alfred de Musset, cet ami dont je déplore la perte, et admirait Victor Hugo et Lamartine, ces deux aigles qui veulent bien me témoigner de la sympathie. Tout en causant, nous convînmes que nous logerions dans le même hôtel et que nous partagerions ensemble les mêmes plaisirs pendant notre séjour à Nice. La visite de nos bagages par les gendarmes du pont du Var fut longue et curieuse. Je ne puis songer sans rire aux embarras de ces honorables fonctionnaires, examinant les uns après les autres les livres de médecine en langue anglaise que le docteur emportait avec lui. Les soldats de la Prohibition déchiffraient avec peine le titre de chaque œuvre, cherchaient sur une espèce de catalogue, s'il ne se rapportait point quelques livres mis à l'index, puis posaient le volume avec respect dans un coin. Ne comprenant pas l'anglais et ne voyant rien de suspect, ils se décidèrent, après 2 heures de visite, à nous laisser partir, et nous vînmes, vers le milieu du jour, nous installer à l'hôtel des étrangers. Les distractions sont peu nombreuses à Nice, surtout dans le commencement de la saison. La promenade est à peu près le seul agrément qu'on puisse y goûter. La promenade la plus fréquentée est celle de la terrasse, située au bord de la mer. Rien n'est beau, rien n'est poétique comme l'aspect du golfe, vu de ce côté, dont le flot argenté, scintillant sous les rayons de la lune, vient mourir doucement sur le sable fin de la plage avec un bruit de baisers. Plus solitaire, mais plus attrayant encore, sont les champs de jasmin et de tubéreuse dont l'odeur enivre et qui marient voluptueusement leurs parfums à ceux de la mer. De hautes collines dominent Nice. Ces collines sont couronnées d'oliviers séculaires, sans cesse alternés de rangées de lauriers roses, luxuriantes chevelures qui se déroulent sur la ville et dont on retrouve une boucle au pied de chaque mur, à ce point qu'il est impossible d'ouvrir la fenêtre d'une chambre sans qu'un oranger y fasse pénétrer son ombrelle verte, semé de fleurs d'argent et de pommes d'or. Le grand événement de la journée à Nice, c'est le dîner à table d'hôte. Aussi nul n'y manque, et c'est un fait anormal que de prendre ses repas dans sa chambre ou à une autre heure. Nous étions installés depuis quelque temps, lorsqu'un jour, vers midi, une vieille et lourde berline, couverte de poussière, s'arrêta dans la cour de l'hôtel. 2 espèces de domestiques s'en livrés mirent pied à terre, et avec leur aide, un troisième personnage fut extrait plutôt qu'il ne descendit lui-même de la voiture. La figure de l'arrivant était d'une maigreur extrême. L'expression de ses traits et l'affaissement général de son corps indiquaient de longues et profondes souffrances. Il avait le visage blême, plaqué de larges taches jaunes sur les tempes, et une chevelure très longue, tombant sur les épaules en mèches éparses, donna à l'ensemble de sa personne un cachet douloureux et navrant. Néanmoins, on saisissait sur la physionomie du malade une indéfinissable expression de génie. À peine descendu, l'étranger échangea quelques mots à voix basse avec le maître d'hôtel qui s'était avancé respectueusement au-devant de son hôte. L'hôtelier ne put dissimuler un mouvement de surprise et considéra longtemps le malade, qui s'éloignait et gagnait, plutôt soutenu par ses domestiques que marchant lui-même, l'appartement qu'il venait de demander à l'étage le plus élevé de l'hôtel. Au dîner, il ne fut naturellement question que du nouveau compagnon qui nous était arrivé dans la journée. Aucun de nous ne le connaissait. Lady Wilson seule affirmait l'avoir vu quelque part, mais elle ne pouvait se rappeler en quel endroit. Elle avouait cependant qu'en le voyant, elle avait ressenti quelque chose de vague, d'infini, écho lointain d'une vive sensation, souvenir presque effacé d'une émotion qu'elle ne pouvait préciser et dont elle ne se rendait plus compte. Le maître d'hôtel, questionné sur le nom du malade, nous jeta un nom vulgaire et ajouta que, trop faible et trop souffrant pour supporter le bruit des conversations, il prendrait seul ses repas. La première journée écoulée, chacun oublia le moribond. Cependant, chaque jour, lorsque nous avions quitté la table, le voyageur inconnu descendait de sa chambre, se plaçait dans le coin le plus obscur de la salle à manger et grignotait une mince nourriture, puis regagnait lentement son appartement qu'il ne quittait plus. Les domestiques de l'étranger, vêtus d'une façon sordide, étaient aussi silencieux que leur maître. On eût dit trois muets. Le cinquième jour après l'arrivée du mystérieux voyageur venait de s'écouler. À une de ces magnifiques journées d'Italie avait succédé une nuit étoilée et sereine. La terre semblait sourire au ciel. Les promenades du soir, si belles en tout temps, s'étaient prolongées au bercement de la vague, aux longues et savoureuses aspirations des parfums balsamiques de la terre, mariés aux brises pénétrantes et embaumées de la Méditerranée. Chacun était rentré dans son appartement lorsque, vers minuit, les sons d'un instrument se firent entendre dans la cour principale de l'hôtel. C'était un violon qui faisait retentir les airs de ses accords, mais un violon dont l'archet était tenu par une main divine. Aux premières mesures, une fenêtre s'ouvrit, puis une seconde, puis une troisième. Au bout de quelques instants, tous les habitants de l'hôtel écoutaient derrière leur jalousie. Quant à l'artiste, placé dans l'ombre projetée par l'angle d'un mur, il faisait dire à son Stradivarius les mélodies les plus suaves, les chants les plus larges et les plus moelleux, les traits les plus rapides et les plus audacieux. Il finissait à peine qu'une fenêtre du dernier étage, la seule qui fût restée close jusqu'à ce moment, s'ouvrit à son tour, et nous vîmes le voyageur inconnu s'approcher de la balustrade. Il tenait à la main un violon. Il allait répondre. Je dis un violon, car il faut désigner par ce nom la forme matérielle de l'instrument qu'il tenait. Mais quel nom donner au son qu'il en tira? Comment exprimer le langage qu'il fit entendre? C'était comme une parole chantée par la voix d'une âme. C'était une plainte, une douleur poignante exprimée en une phrase harmonique, tout à la fois déchirante et angélique, phrase lente, courte, émouvante, douloureuse, qui semblait dire « Merci de vous être rappelé. Je sens que je vais mourir. Reverrai-je la terre qui m'a vu naître? Comment vous a-t-elle gardé mon souvenir? Je touche presque à la terre sacrée. Je tends mes mains vers elle. Tout mon être s'élance pour la saisir, et la douleur physique me cloue à la même place. Comme Moïse, dois-je mourir les yeux tournés vers la terre promise? Je meurs, et je sens le feu du génie dévorer mon front. J'avais bien des chefs-d'œuvre à faire. J'eusse ébloui le monde et je meurs. Il faut éteindre le feu qui me dévore et laisser mes œuvres commencer. La mort a effleuré mon visage de son aile. Résignons-nous. Résignons-nous. Adieu. Adieu en ce monde. À bientôt dans l'éternité. » C'était une scène émouvante que celle de cette nuit silencieuse retentissant tout à coup de ses magiques et douloureux accords. Témoins invisibles, nous étions tous sous le poids d'une religieuse et profonde impression, lorsqu'au moment où la dernière note expirait sous l'archet de l'inconnu, qui laissa échapper son violon avec des signes d'une indicible fatigue, une éclatante voix de femme, brisant le silence solennel de la nuit, s'écria « Hurrah ! Hurrah, Paganini !»« Bravo ! Bravo, Paganini !» nous écriâmes nous en même temps, et un tonnerre d'applaudissements éclata de toutes parts. Lady Wilson, en entendant les notes qui éclataient sous les doigts de l'illustre maître, avait retrouvé le nom échappé d'abord de son souvenir. Elle avait revu l'artiste de talent se dresser de toute la hauteur de son génie dans les salons de Windsor. Au signal des applaudissements, le célèbre musicien disparut dans l'ombre de son appartement. La lune, se voilant un instant sous des nuages, nous le cacha et sembla nous dire de respecter sa retraite. Les fenêtres grincèrent en se refermant, et le silence régna de nouveau dans l'hôtel. Le lendemain, Nous nous apprêtâmes à faire une ovation à Paganini, dont l'incognito était trahi, mais 2 heures après la scène que je viens de raconter, il était parti. L'hôtelier nous apprit que le jeune homme auquel Paganini avait répondu était un des rares élèves qu'il avait fait avant de quitter l'Italie. Ce jeune homme avait appris l'arrivée secrète du maestro et était venu lui donner une sérénade comme gage de souvenir. C'était à ce tribut de reconnaissance que nous avions dû un solo de Paganini, chant du cygne, dernière parole de cet instrument magique qui avait rempli l'univers de sa voix étonnante, dernier soupir de cette âme de violon grande comme l'art lui-même. 3 semaines après, nous lisions avec douleur dans les journaux de Nice « L'illustre maestro Nicola Paganini vient de mourir aux environs de Gênes, dans un petit village, lieu de sa naissance, vers lequel il s'était hâté de revenir, sentant sa fin prochaine. » Il avait bien dit que la mort avait effleuré son visage de son aile. Ainsi s'achève son dernier coup d'archet par Jules Le Sire.